Eh bien, voici ce soir une édition de réanimation qui sera tout ce qu'il y a de plus régulière. En effet, aucun segment mensuel ce soir, puisqu'il s'agit de la 5e émission du mois. Mais attention, lorsque je dis régulière, je ne veux pas dire que Sinistros et moi serons conformistes pour autant. Ce serait de toute manière impossible de demander à Sinistros d'être régulier, puisque c'est à lui que l'on doit le concept de l'irrégularité, et principalement intestinale. Mais nous n'aurons pas à subir ce volet. Une émission régulière, mais peut-être pas tant que ça, finalement. Une émission, par contre, régulièrement métallique, qui souligne aussi que le mois de mai est à nos portes et que cela signifie qu'il ne restera que 3 émissions de réanimation avant le fameux play ball du baseball des aigles ne soit lancé pour l'été. Mais d'ici là, vous devrez prier pour ne pas y survivre, enfoiré. Parce que voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin son assistant qui aura un dédoublement de personnalité ce soir. And 'cause fear is our fucking business. We are Haunted Incorporated because we said so. Let's go. Hey, this is Brian Langley from the thrash metal band Aggression. You are listening to CFOU FM with Dr. Pendragon. Keep on stage diving, you metal maniacs. Hi, this is Rob from Sacrifice, and you're listening right now to Reanimation with the infamous Dr. Pain on CFOU 89.1 FM. Keep on thrashing. Chanteur de DBC et vous écoutez Réanimation sur CFOU 89.1 FM, Trois-Rivières. Lies, all you ever done are lies. ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation. Et la dernière du mois d'avril en ce 30. Tais-toi, moucheron. De l'heure de disgrâce 2019, je suis le Dr. Payne Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h avec cette espèce de semblant de d'acteur en carton qui est Sinistros. Acteur en carton. Oui, il y a des polices en carton et des acteurs en carton ah, aussi. Ah, d'accord. Oui. Et je crois que les acteurs en carton sont moins importants que les polices en carton. Donc, tu peux voir toute la considération que j'ai pour toi. Merci beaucoup. Ce soir, comme je l'ai dit en présentation et comme nous l'avions dit la semaine dernière, c'est une émission dite régulière. Donc, une émission plate. Ben, ils sont pas mal tous, d'après moi. Pas de segment mensuel. Cinquième émission, c'est quelque chose qui arrive pas nécessairement fréquemment dans les éditions de réanimation. Cinquième émission est une émission consacrée à nos farfeluteries personnelles. Mais ce soir, par contre, il n'y a pas de segment, mais il y a quand même un petit spécial. C'est qu'on va avoir deux membres de la formation Exotoxique qui vont venir nous rencontrer pour nous parler de ce single qui est sorti samedi dernier, Swampation of Life. Donc, on s'entretiendra avec eux vers 20h30, si je ne m'abuse. À l'instant de Guelph, en Ontario, l'un des pionniers du métal canadien, Razor, et l'excellent Take the Torch, qui ouvre leur premier album, Executioner's Song, qui est apparu en avril 85, donc, ça fait quoi, 34 ans? Si tu comptes comme faux. 39, peut-être même. Dans 34, à peu. 34, oh. 95, oui, 2005, en 2019. Oui, 34 ans, voilà, c'est ça. C'est ça. Sous étiquette Viper, et je me rappelle pertinemment la première fois que j'ai vu Razor en première partie de Motorhead au Spectrum, alors que c'était Stacy Sheepdog McLaren qui chantait, le chanteur du début, si tu veux. Ben, il a fait quand même 4 ou 5 albums avec eux autres. Ouais, mais c'est plus lui qui fait un bot. Rob Doe, c'est Exodus. Exodus, ou excuse. Oui. Actuellement, c'est Rob Reed. Rob Reed, c'est ça. Et que Stacy Sheepdog est arrivé sur le stage avec un pied de micro à moitié fer forgé et un peu hétéroclite, et il y avait des sous-vêtements féminins accrochés aux pieds. Ah. Ça faisait très particulier. Je me rappelle que cette fois-là, je m'étais rendu compte qu'en regardant le spectacle, Amy était à côté de moi. Ah. Et je m'étais retourné, il m'avait parlé un petit peu, puis il avait dit, oh, I like the show. Yeah, that's cool. All right, kid, see you. Hein? Ça avait été mémorable. Juste avant de Montréal, ben, c'est un bloc de métal canadien. Ben oui, Take This Torch, qui est très différente de la version originale qui était sur Armed and Dangerous. Ouais, j'ai jamais entendu celle-là. Tout comme Fast and Loud. Ah! Ben écoute, ça va être un truc que je devrais me procurer éventuellement. Juste avant de Montréal, DBC, Dead Brain Cells et l'excellente Lies qu'on trouve sur leur premier album, Dead Brain Cells, qui paieront en 87 sur Combat. Juste auparavant, de Toronto, ça c'est en Ontario, Sinistros, hein? Ah oui? Ben je sais pas, je te le demande. C'est où ça, l'Ontario? Ça existe pas. Ah. Sacrifice et Pyrokinesis, tiré de ce deuxième album, ce chef-d'œuvre du métal, Forward to Termination, paru le 12 octobre 87 sur Diabolic Force. Et en ouverture, une primeur, oui, je dois le dire, pas une primeur de la pièce en tant que telle. Une primeur vieille. Une vieille primeur. Ouais, c'est ça. Aggression de Montréal et Vancouver maintenant avec Mutilator et Beware of the Scarecrow, tiré du premier album studio, mais paru en deuxième, soit Forgotten Skeleton, qui est paru au début des années 2000, entre autres sur Great White North Records ainsi que Morbid Moon Records. Il devrait reparaître théoriquement cette année, en 2019, encore une fois sous étiquette Morbid Moon. Il s'agissait du remaster de cet album, de la pièce, entre autres, parce que l'album, je l'ai remasterisé en entier. Et j'ai bien hâte qu'il sorte, parce qu'il devrait sortir dans sa version originale sous laquelle il devait apparaître. Pochette originale, logo original, tout original. Ouais, mais est-ce que ça va se faire? J'en ai aucune idée. Ça va sortir même avec les musiciens originaux, c'est le fun, hein? Et ça, j'en doute fort. Ben oui, mais c'est eux autres qui jouent dessus. Oui, effectivement, oui. Parce que sinon, il en manque déjà un. Donc, ceci étant dit, je pense qu'on va aller en pause publicitaire avant d'entendre ce que je qualifierais d'être quand même un bloc assez intéressant, Sinistros, bon. Je vais dire. Je te félicite. Je vais t'avoir à l'usure. Ben, tu peux pas m'avoir à l'usure avec la bonne musique. Ah, OK. Non, tu pourrais pas m'avoir à l'usure avec du folklorique, par exemple. Ça, c'est clair. Je vais finir par t'avoir. Pas du tout, inquiète-toi pas. J'ai le... C'est moi qui contrôle les boutons aussi, t'oublies ça, toi. On va en pause et on revient. La machine à remonter le tympan vous propose un voyage aux sources de la musique populaire tous les jeudis de 17h à 19h. Venez donc y prendre votre dose hebdomadaire de jazz et de roots. Festival d'art et de musique Frida 2019 déploiera du 3 au 5 mai prochain toute son audace et sa diversité artistique. Activités gratuites, découvertes et surprises garanties. Au programme, projections cinématographiques, spectacles musicaux, arts visuels, foires au vinyle, conférences et brunchs vegan musicaux. Pour les spectacles musicaux du samedi, achetez vos billets en pré-vente au coût de 20$ sur lepointdevente.com. Pour plus de détails sur la programmation, consultez le site internet et la page Facebook de l'événement. On vous attend en grand nombre. Manquez pas ça. Les Aigles de Trois-Rivières et CFO 89.1 s'associent à nouveau cette saison. Tous les matchs à domicile de saison régulière ainsi que tous les matchs de séries éliminatoires seront diffusés à notre antenne. L'équipe de diffusion vous promet toute une saison. C'est le temps d'écouter les Aigles. CFO 89.1, radio diffuseur officiel des Aigles de Trois-Rivières. C'est le 89.1. Vous êtes à l'écoute de réanimation des Hardell Incorporated Show en compagnie de Sinistros, de moi-même et de... Et oui! Et encore Horace. Horace, toujours Horace, cher Horace. Mais c'est toujours... Comment je pourrais dire? C'est toujours... d'actualité, hein, ce qu'il dit. Mm-hmm. Ses commentaires sont toujours à point, posés, réfléchis. Je trouve ça extraordinaire. Chance qu'on l'a pour nous ramener à l'ordre. Non, honnêtement, je vais te dire franchement, je trouve que c'est un sale con. Bon, voilà. Tu me proposes quoi? Ben, j'ai eu l'immense bonté de cœur. Non, ça peut pas être de la bonté, parce que dis-toi que si tu programmes en fonction de ce que j'aime, tu vas être laissé pour compte. Je suis laissé pour compte. Ah ben oui, t'as tout compris. Alors, j'ai choisi un bloc pour te faire fermer la trappe. C'est impossible. Ah, pourquoi donc? Ben, je sais pas, jamais personne n'a été capable de le fermer. Ah. Bon, pourquoi faire avec ta bonne musique, le frère? On va commencer avec un bon petit bloc un peu death metal noirci. Oui, ouais. oui. Noirci, j'ai bien oui, dit mais noirci. À peine et bien dosé. J'ai mis un petit peu de charbon juste pour noircir les petits côtés. Ouais, mais il faut chauffer un peu. Oui, effectivement. On va commencer avec une formation américaine qui s'appelle Against the Plagues. Ouais. Qui donne dans un genre de behemoth. Ça se ressemble quand même c'est un peu. Black and Death Metal. Oui, c'est ça. Oh, ouais. Ça se suit justement de behemoth comme par hasard. Ben et oui. Tant qu'à continuer en Pologne, on va y aller avec une gang de cornichons. Vader. Oui. Alors, on y va tout de suite. Against the Plagues avec All Flesh Had Corrupted. Let's go. Go. Pourquoi pleures-tu, Sinistro? Bon, t'es-tu heureux, là? Oui. Bon. Pourquoi? Chale-moi plus, toi. Non. C'est contre nature de pas chaler les autres. Vader, avec la pièce Return to the Morbid Reich. C'est sorti en le 12 août 2011, pardon, sur l'album Welcome to the Morbid Reich. Ouais! Sur Nuclear Blast, très précisément. Un des bons albums de ce pionnier 1983. Un de meilleurs. Ouais. Ah oui. Donc, il ne reste que Peter à la basse, au vocal, c'est-à-dire maintenant, ouais, mais la formation originale. C'est des voleurs de musiciens. Semble-t-il. Mm. On a eu oui dire que Peter est un voleur de musiciens. Mais bon, nous allons taire notre source. On a eu Behemoth également de la Pologne avec la pièce Demigod qui est apparue sur l'album du même titre, Demigod. Paru le 25 octobre 2004 sur Regain Records. Ouais, et on a... septième album extrêmement puissant. Très, très bon album. Très puissant. Ben, quoi que la majorité des albums de Behemoth sont pas mal tout bons. Là. Ben, moi, je les trouve... Je les retrouve tous quelque, ouais, chose, quelque mais, chose, mais j'avoue que... moi, je dirais que la deuxième portion de Behemoth, alors qu'ils ont lâché plus l'aspect un peu black, plus black, ouais, là, sont devenus beaucoup plus puissants. Oui, oui. Et on a ouvert ça avec les Américains de Against the Plagues, ouais, avec la pièce All Flesh Had Corrupted. Mm-hmm. C'est paru sur Purified Through Devastation, qui est paru le 18 décembre 2010. C'est pas 2019, non, ça. C'est 2015. 2015, sur Non Serviam Records. Ouais, un groupe qui dont le statut actuellement est indéfini. Ben, donc, ouais, c'est on hold. Donc, est-ce qu'ils sont en pause? Est-ce qu'ils sont en réflexion? Aucune idée. Généralement, quand c'est écrit on hold, c'est... ça pourrait prendre le bord. Ça pourrait prendre le bord. Généralement, là, quand c'est on hold, c'est pas mal split up. Ouais. Album que j'ai bien aimé, ça. Cet album de Purified Through Devastation, je l'avais chroniqué à l'époque et puis j'avais donné une bonne cote, il me semble. Ouais, moi aussi, je pense que c'est 8 points sur 10. Ça, je me rappelle plus, là, mais ben pour moi, une bonne cote, c'est pas la même chose que toi. C'est 2 sur 10. Ouais, c'est ça. Moi, en bas de 2, je les écoute plus. Tu sais, en haut de 2, là, c'est un excellent album. Bon, bon, pauvre petit gars. Il arrête de fabuler, là. Sinistro, ce qui est pour lui une mauvaise cote, c'est 9,9 sur 10. Oui, c'est ça. C'est pas 10, pas bon. T'as pas aimé grand-chose. Il n'y a, bon, a rien de bon, c'est ça. J'ai jamais donné une note de 10 sur 10. T'as jamais donné une note sur 10 sur 10? Jamais? Jamais. Jamais, jamais. Il n'y a rien qui mérite. Tu me le promets, là. Oui, sinon, tu vas aller en enfer. Bon, ben, je suis déjà allé. Ah, OK. Bon. Mais tu t'en souviens pas? Fait que tu oui, mais fait que tu peux me compter des menteries de bord. Oh, non, non. T'as pas peur de retourner en enfer, toi? Hein? Moi, j'ai pas peur pendant tout. Non. Je ne compte jamais de menteries. OK, mais je vais donner une autre punition. Si tu me comptes des mensonges, tu vas rester avec moi plus longtemps. Ben, je te conseille pas de mensonges, vraiment. On va toujours la vérité, finalement. On va changer un petit peu de registre, du moins avec cette première pièce de ce groupe finlandais, Shape of Despair. On va tomber dans le death très doom, je dirais très mortuaire. Oui. Funeral Doom. Ouais, Funeral Doom, effectivement. On va enchaîner ça avec une autre pièce, par contre, d'une formation d'Angleterre que j'aime beaucoup, d'Escarnate, avec une pièce qui est lourde, oui, mais c'est du Dark Death. Donc, ça va probablement bien se mixer, tout ça. Donc, tout de suite, Shape of Despair est le... Bon, ce que je considère étant leur chef-d'œuvre qui n'est pas apparu sur aucun album. Je connais pas tant le groupe. C'est pas tout bon, hein? C'est pas tout bon. Ben, moi, j'ai entendu une couple d'affaires qui m'avait comme pas très, très plu, mais tu sais, comme je te dis, je connais pas. Dernier album, je l'ai trouvé très pas bon. Honnêtement, là, c'est parce qu'ils ont des choses, des fois, sont très, très planants. Tu sais, quasiment céleste. C'est un peu comme Moonspell, c'est pas tout le temps très bon. C'est pas, non, ça fait définitivement pas. Mais, cette pièce, Sleeping Murder, je considère que c'est la pièce qui les probablement la plus accomplie de leur existence. Allons écouter tout de suite Shape of Despair. Vous êtes en animation jusqu'à 21h. Let's go. We'll be right back. vous êtes à l'écoute de l'animation sur les ondes du 89.1 FM. Oui, Nelson. De Horsham en Angleterre, Discarnate, et la pièce Traitor in the Palace, qui est tirée de leur troisième album, With All Their Might. Ouais, je sais, c'est une fausse, j'ai mal écrit. Paru en 2017 sur Unique Leader, paru le 15 septembre 2017 précisément. Et Traitor in the Palace, pour moi, est une des meilleures pièces métal que j'ai jamais entendu. Fait partie vraiment de mon top là, 10, 20, là, facile. Là. Maudit chanceux. Ah, j'adore cette pièce-là. Ben, en fait, l'album, il est bon en entier. Il a fait partie de mon top 10 de cette année-là. Juste avant, nous avions de Helsinki en Finlande, Shape of Despair, et la pièce Sleeping Murder qu'on retrouve sur une compilation qui porte le nom de façon originale de Shape of Despair, qui est paru le 2 août 2005 sur Spike Farm. Et cette pièce, Sleeping Murder, on ne la retrouve que sur cette compilation-là. Je crois que Shape of Despair a quelque chose comme 6 albums qui sont malheureusement pas tous très égaux, je dois le dire. Et c'est vraiment pas tout dans le même style que ça. Là. Il y a des moments où c'est beaucoup plus céleste. Ce que j'ai entendu, moi, ça m'a laissé comme ni chaud ni froid. Il y a des trucs qui sont bien, mais faut pas qu'ils partent trop dans la dérape gothique planante. Oh, ouais. Mais bon. Mais cette pièce-là est vraiment excellente. 19h58, je vous fais une courte séance de cinéma, mais non pas projetée, mais bien parlée. Actuellement, en salle, c'est Avengers Endgame qui, semble-t-il, fait un sacré tabac. Sacré tabac. Tellement qu'il aurait, en date d'aujourd'hui, il aurait le record à vie de toutes les entrées de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire plus de, je pense, 1,3 milliard. C'est très bien, alors qu'on sait que le cinéma se meurt et que les... Ben, le cinéma se meurt pas. De façon traditionnelle. Traditionnelle, oui. Ouais. Mais tu sais que le fait que qu'Avengers ait autant d'engouement, c'est que c'est le dernier, principalement. Puis qu'on va perdre beaucoup des personnages qu'on aime, je veux dire, des acteurs qu'on aime, qui n'interpréteront plus leur rôle, comme Robert Downey Jr., Chris Evans, ainsi de suite, qu'on ne retrouvera pas dans les personnages de Marvel, parce que, j'imagine qu'on a décidé de vouloir faire autre chose. Fait que ça doit créer un engouement certain. Le film est quand même, semble-t-il, assez bien, même pouvoir très bien coté. Bon, je suis curieux de le voir, évidemment, parce que je veux clore le chapitre, moi aussi. Mais semble-t-il que c'est quelque chose qui a énormément d'engouement actuellement. Film que j'ai écouté depuis la semaine dernière, c'est un film d'horreur connotation thriller qui s'appelle The Prodigy, film de 2019 de Tara Farney et Tripp Vinson, qui met en vedette Jackson Robert Scott, Taylor Schilling ainsi que Peter Mooney, et qui est un film qui traite de la réincarnation, si tu veux, d'une certaine façon. Si tu veux pas, c'est pas grave, là. Et j'avais plus ou moins d'attente envers ce film, mais j'ai été agréablement surpris. Ce film, il est original, il est surprenant, et il réussit à réinventer un peu ces aspects d'horreur-là qui ont été très souvent utilisés, surutilisés dans l'histoire du cinéma d'horreur. Ici, The Prodigy, sans être un grand film, le fait de façon très adroite. Donc, c'est un film qui vaut la peine d'être vu. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Musicalement parlant, on va voir ça tout de suite après cette pause publicitaire. Qu'est-ce que t'en dis, toi? J'en dis que je m'en allais dire la même chose. D'accord. Les amateurs de métal sont conviés au rendez-vous de Subversion le Metal Show tous les deux vendredis du mois à 22h. Moi-même, DJ Tower of Death, me donne le mandat d'honorer 5 décennies de musique pour des subversives, des fondations du métal traditionnel jusqu'à sa forme la plus extrême. Sur Sifu 89.1 du côté gauche, la bande FM en Mauricie. La saison de Très Blues à Sifu tire à sa fin. Notre dernière émission de la saison, le 9 mai prochain, vous parviendra en direct de la Chasse-Galerie. Pour cette occasion, Lise Bourgeois, Steven Hubert et moi, Denis Baudin, nous vous invitons à assister en direct au déroulement de l'émission Très Blues à Sifu. Venez nous rencontrer et assister aux prestations live du bluesman Riot, de Riot and the Blues Devil. Très Blues à Sifu est une réalisation de Sylvain Beaumier. Le 9 mai prochain, dès 19h pour 3 heures de blues. C'est Très Blues à Sifu, en direct de la Chasse-Galerie. Soyez des nôtres. De palmarès 89.1. We're back. Eh bien. Oh, la Marseillaise. Eh ouais. On va y aller avec un bloc de deux pièces à tendance très dep progressif. avec une formation de Barcelone en Espagne qui s'appelle Moonloop. Formation que j'affectionne particulièrement. Oui, t'en as pensé à l'occasion. Oui, j'aime bien ce qu'ils font, puis je discute avec les membres du groupe de temps à autre. Est-ce que tu le fais présentement? Oui, bien justement, on prépare quelque chose. Non, mais présentement, est-ce que tu discutes avec eux ou c'est moi qui ai des hallucinations? Dans ma tête. OK. Oui, effectivement, on pourrait peut-être jaser avec eux autres pour des ID ou des trucs comme ça. Ah, ben oui. C'est toujours intéressant. Formation de Barcelone, dis-je, avec une pièce qui s'appelle Beginning of the End. C'est paru sur le premier album Deeply from the Earth, qui est paru en 2012 sur Listenable Records. Et ça sera suivi par leur grand frère de Opeth, Stockholm, en Suède, avec Under the Weeping Moon, qui est apparu sur Orchid en 1995. Certes. Allons-y tout de suite avec Moonloop. Beginning of the End. Let's go. That was your choice. Et oui, deux excellents choix. Ben, je conviens. Oui. Oui, j'en conviens absolument. Tu sais, cette émission-là, c'était pas pour trop t'écœurer, ça va bien. tu penses pas m'endormir, toi? Non, mais attends, les prochaines, toi. Non. Je les attends pas. Opeth avec Under the Weeping Moon, c'est paru en 1995, plus particulièrement le 15 mai sur l'album Orchid. Ben, le premier du band. Le premier album sur Candlelight Records. Mmh, absolument. C'était précédé de la formation espagnole Moonloop, des petits frères de Opeth, dans le fond, avec Beginning of the End. C'est paru sur le premier album Deeply from the Earth, qui est paru le 28 mai 2012 sur Listenable Records. Exactement. Alors, quant à moi, je décris. Ben non. Attends un petit peu, là. Ben non. On a encore un bloc, mon ami. Ah! Ben oui. La semaine prochaine, première émission du mois de mai, c'est donc le retour de la métallographie. Et nous l'adresserons ce mois-ci, ben, le mois de mai, demain, à Voivod. Yes! Ça risque d'être fort intéressant. Ainsi que j'aurai la présentation, un bref survol du nouvel album de Hem on MR, The Berserker, que j'ai trouvé à première écoute assez intéressant, je dois dire. Toi, ça, tu dis ça, là? Non, je dis pas. OK. Je l'affirme, c'est différent. allons à musique immédiatement avec deux formations que j'aime beaucoup, qui donnent dans le death metal, bien entendu. Il s'agit de Beheaded et de Cast the Stone, tout de suite, The Horror Breath. Let's go! Hey, this is Mark Kleppel from Cast the Stone. You're listening to Reanimation, the Undead Incorporated show on CFOU 89.1 FM. Et finissantes du baccalauréat en arts visuels de l'UQTR vous invite à leur exposition Praxis le 24 avril dès 16h à la galerie R3. Jusqu'au 5 mai, l'exposition se tiendra simultanément sur trois lieux de diffusion additionnels à Trois-Rivières. La galerie d'art du parc, l'atelier presse-papier et le 1554 rue Notre-Dame. Entrée gratuite pour les quatre lieux. L'exposition Praxis du 24 avril au 5 mai. Audiomatique avec les sonoristes. Tous les mercredis à 17h. Les amateurs de métal sont conviés au rendez-vous de Subversion, le Metal Show, tous les deux vendredis du mois à 22h. Moi-même, DJ Tower of Death me donne le mandat d'honorer 5 décennies de musique lourde et subversive, des fondations du métal traditionnel jusqu'à sa forme la plus extrême. Sur Sifu 89 du côté gauche, la bande est tellement mort ici. Fou de musique du monde. Sifu 89.1. Pile, vous êtes à l'écoute de réanimation des Yandel Incorporated Show et ce jusqu'à 21h. On vient d'entendre avant cette pause publicitaire la formation du Missouri aux États-Unis, Cast the Stone, qui comporte entre autres Mark Koppel de Misery Index avec la pièce Imperium Atrophy, pièce titre de ce EP paru le 31 août 2018. La deuxième parution du groupe, vraiment très très bon, sous l'étiquette Agonia Records. Et juste avant de Malta, Beheaded et des Horror Breath, tiré du cinquième album Beast Incarnate, paru le 27 janvier 2017 sur Nucleator. Ça aussi, c'est un highlight de l'année. Oh, oh, c'est bon vraiment album. Très très bon. Eh bien, Sinistros, je vais devoir te demander de céder ta place. Ben, je vais laisser ma place à mon alter ego. Guillaume, qui est maintenant fait partie maintenant de la formation. c'est tellement drôle, j'avais tous les deux la même voix. Oui. formation isotoxique. Et on accueille ce soir nul autre que Stéphane Barre de Patrie. Lui-même, bonsoir. Oui, c'est cela. Comment vas-tu, Steph? Ça va super bien. Oui, c'est fun que tu sois là. Ben oui, c'est cool, j'aime ça venir venir vous visiter à cette radio. Ah ben, tu peux venir quand tu veux. Ah ben, c'est cool. T'es un frangin, putain. Hein? Bien sûr. Stéphane, qui est aussi le batteur de Genetic Error, faut-il le rappeler. En fait, c'est ce soir, messieurs, vous êtes là parce que samedi dernier, paraissait le single Exotoxic, deux nouvelles pièces fraîchement composées, enregistrées. Et si je ne me trompe pas, n'est-ce pas là les premières depuis 92? Oui, effectivement. Enregistré, effectivement. C'est un premier enregistrement qui est fait depuis 92. Oui, formation qui a vu le jour en 89, qui était active jusqu'en 94 et qui a repris du service en 2017. Mais exact. Je te laisse le soin, Steph, de nous faire un peu la récapitulation de tout ça. À partir du retour de 2017? Ben, si tu veux, oui, parce que probablement que entre 94 et 2017, comme c'est pas passé rien, ben, il y a peut-être pas grand-chose à dire. Ben non, il y a pas grand-chose à dire, à part pas grand-chose. Ben en fait, tu peux peut-être nous raconter un peu comment était revenu le redépart du groupe en 2017, comment c'est, dans quelles circonstances? Ben, c'est que j'avais recommencé à faire de la musique avec Dominique Nau, qui est le chanteur et guitariste d'Exo. L'enragé d'Exotoxic. Oui, le très grand et gros enragé. Oui. Très gentil, par contre. Oui, bien sûr. On a parti un hommage à SOD, qui s'appelait Fuck the Middle East. Mm-hmm. Et puis on a fait ça pendant quelques années. Oui. Et puis Dominique m'est arrivé une belle journée ensoleillée. Ben oui, il faut se mettre en contexte. Ben, c'est ça. Et puis il m'a commencé à me dire ça serait peut-être pas pire qu'on reparte avec Zoo. Puis c'est ça. Parce que toi, t'étais de l'alignement original. Oui, c'est ça. Moi, j'étais un des membres fondateurs à l'époque, dans une très lointaine époque d'ailleurs. Ben, c'est quoi, tu voulais te dire que ça ne rajeunit pas personne? Non, pas du tout. Puis, c'est ça. Fait que là, on a décidé de repartir ça. On a fait quelque chose. Notre show retour, c'était avec Gorguts à Shawinigan. J'étais là, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, tu étais là. Et puis, on a fait quelque chose. Et puis, là, on a eu une petite tournée qu'on a fait en 2010, à l'automne dernier, 2018, avec le band mexicain. Des petites Mexicaines de Intratil. Qu'on avait vu au Metal Fest précédemment. Oui, exactement, précédemment. Et puis, suite à ça, il y a eu des petits changements au niveau des membres du groupe. Marcel Le Baseman a quitté, Jeff Hull également. Fait que Dominique, il dit là, faudrait enregistrer. On avait dans l'idée d'enregistrer. On s'en était pas vraiment parlé. On n'avait pas rien officialisé. Et puis, après les fêtes, c'est-à-dire, on a décidé de. Il dit, on va enregistrer, puis on sera juste deux. C'est pas grave, je ferai la base. Puis bon. Okay. Mais vous vouliez du nouveau matériel. Oui, c'est ça, exactement. Ces deux chansons-là, d'ailleurs, c'est. Comme des nouvelles vieilles tunes. Parce que il avait été composé originalement à peu près en 94. OK. Ces deux tunes-là, mais c'est pas. C'était rafistolé. On a pris des riffs, d'autres riffs. On a mélangé ça. On l'a mis au goût du jour. Okay. Puis on les a retravaillés. Mais la plupart des riffs de base étaient. Ils ont été composés en 94. OK. OK. Fait que. Mais vous êtes quand même bon de vous en être rappelé. Ouais, on avait quelques enregistrements très grinçants et qui grinchaient pas mal, mettons, là. Mais suffisant pour vous donner une bonne idée. Suffisant pour vous donner une bonne idée là, pour de base pour pouvoir refaire ces tunes. Ensuite, avant d'enregistrer, Guillaume a contacté Dominique. Vu qu'on n'avait plus de basement, fait que là, il dit, moi, ça me tenterait d'embarquer dans le projet, ça me tente. Puis ça, fait que, il a discuté avec Dominique, puis là, je sais pas ce qu'ils se sont dit, puis comment est-ce que absolument ça lui a coûté. peut-être que Guillaume, toi, tu peux amener cette histoire. Non, mais tu sais, de fil en aiguille, on jase, ah, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, vous êtes rendu gang deux, moi, tu sais. Ça m'intéresserait, tu sais, une gang de vieux bonhommes de même qui font de graines encore, tu sais. Ça m'intéresserait peut-être bien d'être le plus jeune de la gang, finalement. C'est ça. L'art de se faire des amis. T'entends Georges, puis finalement, j'ai été invité à venir faire un jam. Dans le fond, Doom, il m'a envoyé les pièces. Fait que j'ai monté deux pièces. On a jamé ça, puis me v'là. Bon. Oui, parce que suite à ce jam-là, moi et Dominique, on s'est parlé, on s'est dit « Je t'engage ». Oh, OK! la chimie est au rendez-vous. Ah, tout de suite. Ouais. Ça s'est fait tout de suite. Fait qu'on a dit « Bon, let's go. On starte le processus d'enregistrement. » On a enregistré avec Fred Dubois. Oui. De Outlying. Outlying, oui. Qui a fait un excellent job, d'ailleurs. Oui, on va pouvoir entendre ça tout à l'heure. Exact. Puis, fait que c'est ça. C'est là qu'on est rendu. Là, la sortie s'est faite samedi. À date, les réactions puis les commentaires qu'on a, c'est très bon. Oui. OK. Mais juste pour informer les auditeurs, quelle est la façon de se procurer ce single-là? C'est via le Bandcamp. Ouais. C'est via le Bandcamp? Le Bandcamp de Exotoxic, oui. C'est bon. OK. Ouais. Okay. Ouais. C'est la seule manière de le downloader. Là, OK. Fait qu'on accepte les dons, dans le fond. Les dons? Oui. Les dons comme quoi? Le don d'ubiquité, des choses comme ça? Peut-être un vésicule biliaire, ça peut faire. Oui, c'est vrai qu'à votre âge, je veux dire, d'avoir besoin volontaire. Oui, ça en prend une coupe de sperme. mais toi, Steph, en tant que tu as toujours été très actif sur la scène métal, underground, je dirais très underground par moment. Aujourd'hui, toi et moi, on se connaît depuis longtemps. Je connais un peu ton parcours. T'as, comme j'ai dit, toujours été très actif. Comment tu vis ça aujourd'hui avec écoute, puis je vais essayer de rester le plus poli possible, mais je veux dire, on vieillit tous, on s'entend. Ouais. Probablement que les façons de faire ont changé aussi depuis les années 90, ainsi de suite. Comment tu vis ça aujourd'hui en tant que vétéran? Tiens, c'est le terme que je vais employer, en tant que vétéran de la scène québécoise. Comment tu vis ça par rapport à tout ce que tu vois puis ce à quoi tu participes? Ben, je vois ça d'un bon œil, premièrement, ouais, parce ouais. qu'il y a de la relève. OK. Puis il y a de l'excellente relève. OK. Puis c'est le fun de... Tu sais, quand tu vas dans un show, quand tu fais des shows avec des bandes, c'est des plus jeunes, mm-hmm. puis, ben, tu sais, on se mélange. L'approche est bonne. L'approche est bonne, la chimie est bonne. On se parle comme des vieux chums, puis tout ça. Okay. Il y a juste moi qui est vieux, les autres sont jeunes. c'est ça la différence. Mais, bon, c'est sûr que, bon, oui, on vieillit tous, puis physiquement. Je suis encore correct, des fois, c'est plus tough que d'autres. Ouais, mais à lumière de ce que tu me disais, hors honte, ben moi, j'ai de l'admiration pour ça, parce que la semaine dernière, tu sembles avoir fait pas mal de kilométrage encore. Oui, en effet. Oui, avec génétique. Avec génétique, oui. Ouais, on s'est promené un peu, on s'est couché tard. Mm-hmm. Puis, bon, ben c'est sûr qu'on vit pas de ça, de la musique. Fait qu'on a un travail faire en plus. La vie donc, continue après, c'est ça. Fait que, bon, le retour au travail, c'est pas toujours évident, non. Là. Mais, ça prend un petit peu plus de temps pour récupérer. Mais bon, c'est quand même correct, là. Ça se passe bien. Ben, en tout cas, tu m'as l'air d'être pas trop éclopé, là. Non, je te dirais que je vais être encore bon pour quelques années. Ah, ben, c'est fantastique. Une bonne nouvelle. Ben, si vous le voulez, messieurs, on va aller écouter ces deux pièces-là de ce single qui est paru le 27, c'est-à-dire samedi dernier, de façon indépendante, qui porte le titre d'Impression of Life. On va entendre la pièce titre Impression of Life, suivie de Believe Less, Grind Thy Soul. Ça veut tout dire, ça? Ouais. On écoute ces pièces-là et on revient en tout de suite après. Yes. Yeah. 20h46, on est de retour. Vous êtes à réanimation des Undead Incorporated Show. On est actuellement avec Stéphane Bard-Patry, batteur d'Exotoxic, ainsi que de Genetic Error, ainsi que Guillaume Gagnon, bassiste d'Exotoxic depuis peu, je crois. Un mois et demi, mettons. À peu près. Début mars. Ah, vous l'avez enduré quand même un mois. Ben, c'est... Vous êtes bon. Ben, je sais pas. L'avenir nous le dira. Alors, moi, je peux vous le confirmer. On vient d'entendre la pièce Believe Less, Grind Thy Soul, et ainsi qu'Impression of Life, la pièce titre de ce single qui est paru de façon indépendante le 27 avril dernier, soit samedi dernier. Mm-hmm. Exotoxic. Formation de Trois-Rivières, de Grand-Mère et de Drummondville. On peut dire une formation internationale. Hein? Ben oui. Parce que ce sont tous des pays différents, ça. Absolument. Ben oui. Je vois que vous connaissez votre géographie. Absolument. Ben oui. J'aimerais ça que vous nous parliez un peu de justement de ces pièces-là, de l'enregistrement, ainsi de suite. Puis quel est quel est le but visé avec de promouvoir des nouvelles pièces pour Exotoxic? Ah, il n'y a aucun but, on sort ça, puis... Vous n'avez rien à faire ce soir-là? Ouais, non. OK. Bon, ben, ça m'a fait plaisir, fait que tu reposes ça quand tu veux. Ah, pas de problème, je vais ramasser mes bonbons en sortant. Oui, oui, il y en a plus. Non, ben, c'est... Là, on a enregistré ces deux pièces-là, c'est pour... puis on va les garder pour sortir un album dans le futur. Parce que là, on veut enregistrer, là, on est en mode de création d'autres tunes pour pouvoir probablement soit à la fin de l'année ou au début de 2020 pouvoir enregistrer un album complet. OK. Donc, ces pièces-là, c'est le teaser, si on veut. Oui. Okay. Exactement. Probablement pour, puis tu me corrigeras si je me trompe, probablement pour faire des approches avec certains labels et des trucs comme ça? Oui. OK. Oui. Fait que c'est des pièces qui sont uniquement destinées à, si on veut, une forme de magasinage. Oui, forme de magasinage, promotion. Puis dire, on est de retour. Vous êtes de retour. On est là. OK. Je pense que, Guillaume, toi, de ton côté, si je me trompe pas, t'as un peu le boulot de ce qui est la promo, press kit, ainsi de suite. Ben, je vais probablement m'occuper pas mal de la côté infographique, là. Mm-hmm. C'est sûr que moi, je suis quand même pas pire là-dedans, là, mais le côté promo, je pense que Doom, il est pas mal fort là-dessus. Ah oui, OK. Comme il disait, c'est une bébite à Facebook et à tous ces trucs-là. Fait qu'on va le laisser aller. Les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux. Puis il l'a dit lui-même que c'était une pute à like. Ouais, c'est ça. Ah, OK. Bon, ben, j'espère qu'il a la réanimation présentement. Mais à part de ça, est-ce que vous avez des spectacles qui sont prévus? C'est-tu dans votre planning au courant de l'été? C'est vous de faire des spectacles en plus? Ça, tu savais pas, toi? Ben oui. C'est malheureux, mais il faut en faire. Vive les primeurs. Ouais. Ben, on en avait un de cédulé pour juin. OK. Qui a été reporté. Qui est reporté en octobre, ouais. À l'automne. Ah oui? Mais les dates sont pas fixées encore, là. OK. Mais c'était un show qu'on avait prévu à Québec. OK. Tu disais tout à l'heure que la réponse des deux pièces que vous avez mises sur le Bandcamp d'Exotoxic semble être bonne. Est-ce que vous avez des feeds qui sont autres que les écouteurs directs, c'est-à-dire, est-ce que vous avez des gens de l'industrie qui semblent avoir signifié quelque chose? Ben, jusqu'ici... Ben, c'est vrai que c'est frais fait, là. C'est vrai que c'est frais fait, là. Ouais, c'est ça, fait que... Non, pas pour le moment, mais c'est ça, là, c'est que... Là, on va commencer à répandre la bonne nouvelle. Vous allez pousser un petit peu plus fort la machine. Ouais, ben c'est okay. Ça, là. Je sais que Dominique il va s'activer là-dessus. Puis si c'est pas déjà commencé, là. Ben, je présume que oui. Dominique qui est pas avec nous ce soir, donc on le salue bien bas. Fidèle auditeur de réanimation, n'est-ce pas, Sinistros? C'est le seul. C'est le seul. John, il n'écoute plus. Non, je pense que ça fait longtemps qu'il... Ah, OK. Tu sais, ça peut pas tout le temps aller mal, là. Ah, ben là... Non, là, je vois que toi, tu ne nous écoutes pas, donc... Bon, c'est ça, tu sais. Aujourd'hui, on est en 2019, tu as commencé à faire de la musique dans les années 80. Oui. T'as été avant présentement avec Genetic Error. Oui. T'as vécu une scène underground québécoise qui était assez mouvementée à l'époque, mais qui était aussi émergente en même temps. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais dire que ce que tu vis aujourd'hui en tant que musicien actif de cette scène-là versus ce que tu as vécu est plus exigeante, a des meilleurs côtés, c'était mieux à l'époque? Est-ce que ta perception de ce que dans l'environnement dans lequel tu joues aujourd'hui est plus demandant que ce que ça l'était à l'époque? Pour être capable de d'arriver un peu plus à la surface, si tu veux. Ouais, mais demandant, je dirais que non. Parce que aujourd'hui, avec l'Internet, puis mm-hmm. Les médias sociaux, un clic, puis... Absolument. Tu sais, c'est pas mal plus facile. T'as le lien, parce qu'avant ça, dans les années 80, 80, début 90, oui. C'était du bouche à oreille. Absolument. C'était de passer des flyers sur sur des poteaux. Mm-hmm. C'était... Le tape trading. Le tape trading, c'est ça, par la poste. On s'échangeait des flyers, des stickers, des affaires. Ça mm-hmm. se faisait par la poste. Oui, tout à fait. Fait que c'était beaucoup plus difficile dans le temps. Malgré que la scène était présente, puis les gens se déplaçaient en très grand nombre pour les shows. Mm-hmm. Aujourd'hui, je te dirais qu'il y a encore une bonne scène. Il y a encore beaucoup de gens. Mais c'est plus dilué, je te dirais, parce que on dirait que tu sais ils ont de plus en plus de shows. Avant ça, tu sais, dans le temps, c'était un événement. C'est ça, il y avait un show par mois, un show par deux semaines. Il y en a tous les jours. Mais là c'est il y en a tous les jours. Ben oui, il y en a tous les jours. Puis même il y en a deux par soir. Ben puis, oui. Puis avant ça, tu voyais pas ça. Tu voyais ça plus dans une grande ville comme Montréal mm-hmm. ou Québec. Mais c'était peut-être la rareté qui créait l'événement aussi. Oui, c'était ça. Mais là, c'est rendu que les shows à Trois-Rivières, tu vas en avoir deux le même soir. Mm-hmm. Puis là, les promoteurs, on dirait qu'ils se parlent pas là-dedans. Ben, ça a toujours été ça, un peu le problème. Mais tu le joues d'un pat l'un à l'autre, c'est un peu niaiseux. Je suis d'accord avec toi. Là. Mais si on... OK, parfait pour l'aspect qui est promotionnel, la communication, tout ça. Mais aujourd'hui... En 2019, tu te produis sur scène. Est-ce que pour toi, c'est plus... Comment je pourrais dire, mais je cherche vraiment le terme approprié. Est-ce que c'est plus difficile de ressortir du lot aujourd'hui que ça l'était à l'époque? Oui, tu vas me répondre qu'il y avait peut-être moins de bandes à l'époque, j'en conviens. Ouais. Mais comme aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de bandes, mais qu'il n'y en a pas beaucoup qui durent, ou il y en a plusieurs qui se forment, qui disparaissent, est-ce que pour se faire remarquer, ça devient... Est-ce qu'il faut mettre un peu plus de sauce? Honnêtement, je dirais pas tant que ça. Non? Non, pas tant que ça, parce que... Tu sais, oui, dans le temps, il y avait moins de bandes, mm-hmm. mais le style était pas mal le même. Donc styles, il y a plus de bandes, mais les styles sont beaucoup plus variés. C'est vrai, t'as raison. Donc, je te dirais que tu mets ça dans l'entonnoir, puis ça revient à peu près au même. Ben, ton analyse est bonne, t'as bien raison. Je te dirais que c'est à peu près la même chose. Ouais. Toi, Guillaume, comment tu vois ça? Ben, je vois que t'as beaucoup de bandes aujourd'hui, hein? Puis on l'a vu à l'exercice, à l'exercice animation, c'est quand on disait que, mettons, en 1985, il y avait eu 260 albums qui étaient sortis mondial. Oui. Puis qu'en 2018, il y en a sorti 7650 albums. Mm. Fait que tu vois que... Il y a une explosion, là. Ben, il y a une explosion. Puis le Journal de Montréal a titré ce matin, comme de quoi que le heavy metal avait bondi de 153% dans les ventes mm-hmm. et le kit au complet. Fait que ça, c'est vraiment le fun, dans un sens. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de bandes. Mais tu sais... C'est un peu saturé par moment. T'as beaucoup de bandes, mais tu sais, là-dessus, il y a peut-être un certain pourcentage que c'est encore des très, très bons bandes. Mm-hmm. Puis t'en as d'autres, mais tu sais, ça va durer un petit peu de paille. Ou tu sais, c'est pas le top, là, disons. Là. Non, mais ça a été aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était trendy partir à la bande métal, là. Tu sais? Oui, c'est... oui. Couple de chums ensemble, puis un, deux, trois, on part, puis trois semaines après, ça ne tente plus. Là, moi, j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, si les musiciens dans un band ont la flamme, Ouais. Qui ont du fun à faire ce qu'ils font, ben, c'est sûr que ça va fonctionner. Donc, ça, c'est... Ben, écoute, ouais. je pense que le but premier, de manière, c'est justement d'avoir du plaisir de le faire. Puis ce qui est le fun, c'est que t'as quand même t'as l'ancienne génération dont je fais partie. Oui. Puis t'as la nouvelle génération. Ben, qui se côtoie. Qui se côtoie, puis qui se mélange. Là. Oui, parce que t'as raison, Steph, que la génération dont je fais partie aussi, malheureusement, là, malheureusement ou heureusement, selon où on se place, ben, il y a des purs et durs qui demeurent. Il y en a qui ont abandonné, évidemment, oui. qui ont changé de vie, changé d'optique, ainsi de suite. Mais il y en a qui demeurent, puis qui sont, on appelle ça les loyal followers, tu sais. Mm-hmm. Et ça doit aider beaucoup à cette scène-là, j'imagine, de ceux qui ont connu le métal depuis ses débuts puis qui le suivent encore aujourd'hui. Oui, c'est juste que des fois, les jeunes sont peut-être tannés de nous entendre. Moins dans le temps, oh, ben, ça, c'était ouais, comme vont, ça dans le temps. Oui, mais ils vont dire tôt ou tard la même affaire. Oui, c'est ça. Écoutez, messieurs, c'était super le fun de vous avoir à l'émission, de parler de cette sortie d'album, de cette sortie de single-là. Deux pièces que je trouve vraiment bien. Vraiment, c'est une belle carte de visite, je le dis en toute honnêteté. Je pense que ça va grandement aider Exotoxique à dire ben, c'est on joue dans encore, ce but-là, là. Fond, ben oui, c'est ça. Puis je pense que d'après moi, ça va être mission accomplie. Oui, puis mon ami Varg, il l'a dit d'ailleurs. Let's find out. Voilà. Donc, écoute, Steph, tu reviens quand tu veux. Bien sûr. T'as des nouvelles, t'as des choses que tu veux nous communiquer, que ce soit avec Exo, que ce soit avec Genetic, toujours le bienvenu. Bien sûr. Toujours un plaisir de te revenir, je sais pas, demain, si tu veux. Oui, mais moi, c'est juste qu'on sera pas là. Ah, OK. Mais tu peux revenir quand même. Bon, ah, OK, d'accord. OK, ben je vais m'arranger. On montrera comment la console marche, oui. Puis tu vas pouvoir faire ton émission tout seul. Ah, parfait! La semaine prochaine, réanimation, je l'ai dit, c'est la première émission du mois, c'est la météorographie, c'est Voivod. J'ai la représentation de M&M Art aussi. Sinistros nous parlera de ses farfeluteries. Peut-être, oui. Peut-être qu'il va encore dérailler, on ne sait pas. Tout le temps. Sinistros arrête de dérailler, tu étais sur la bonne voie cette semaine. Oui, mais là, c'est juste cette semaine. Oui, je sais. N'oubliez pas les émissions de notre ami le Rockmaster René Lefebvre ce vendredi, ce même à 11h, assez fou. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, 11h à 17h. Avec une foule de présentations de nouveautés, semble-t-il, cette semaine. Je n'y suis pas cette semaine. Je devrais y être potentiellement l'autre semaine. On va essayer. Ainsi que Tower, DJ of Death et Subversion, tous les deux vendredis sur SoundCloud. Et ainsi que rediffusion ici même assez fou, les vendredis soir, tout de suite après réanimation. Le blog de Sinistro sur lemort.com. Allez voir, allez encourager le Bandcamp de Exotoxite. Allez chercher les pièces. Ben faites oui. un don. Aidez ce groupe-là qui se démarque. Ben oui. Et le vendredi 10 mai au Café Le Stage chez c'est le passage de la tournée québécoise de Anvil. Anvil qui vient au Québec. Je pense que la tournée commence cette semaine. Ben, ils seront à Drummondville le 3 mai ou le 4 mai. Ben, ça, c'est cette semaine. Oui, c'est ça. C'est vendredi, ouais. En tout cas. Donc, ça débute cette semaine. Ils seront avec Tapeworm, Taunt et Darksiders. Nos amis de Darksiders, ah bien ouais, entendu. Nos vieux chums. Ben oui, absolument. Donc, les billets sont disponibles à lepointdevente.com au prix de 28,87. Donc, c'est le 10 mai au Rock Café Le Stage. Je le rappellerai la semaine prochaine. On va se quitter sur quelques secondes d'une pièce de Sinistros qui est laquelle? Ben, on va se terminer avec un petit bout de Occult, qui a changé de nom pour Legion of the Damned. Allons-y tout de suite avec Parasite, paru sur Of Flesh and Blood en 1999. Sur ce... Merci, Steph. Hey, de rien. Allez toujours faire foutre. Oui. Oui, c'est ça. Let's go. Understood. side of death. No interference, let us die of fear. Power almighty, let us die of pain. Breathing lightly, let us die. Lucifer, it's a fool, my mind's